Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Comme ça vous souvenir, sous ce titre, il me fait plaisir de vous présenter 13 personnalités dans le domaine artistique qui seront accompagnées par M. Marcel Lambert. C'est avec beaucoup de joie que nous soulignons ce soir le retour de notre organiste M. Lambert, non seulement avec beaucoup de joie, mais aussi avec beaucoup de fierté, car ses succès ont rejailli sur nous tous. Nous sommes très fiers de votre musique, M. Lambert. La peine que vous prenez constamment pour améliorer votre goût artistique a gagné l'estime et la considération de tous les Lorettins. Nous sommes très heureux de vous en féliciter chaleureusement. Nous désirons profiter de cette occasion pour vous remercier de tout ce que vous faites par votre musique dominicale qui nous apporte de bonnes et saintes dispositions. Vous êtes un exemple pour Loretteville et nous espérons qu'il nous sera donné d'assister à un concert très bientôt. Et maintenant, je vais vous présenter notre premier artiste invité ce soir. M. Roger Parent est un membre de l'Harmonie de Loretteville depuis de nombreuses années. Plusieurs fois soliste au concert présenté par l'Harmonie de Loretteville, il a su à chaque occasion conquérir son auditoire. Ce soir, il jouera pour nous la Grande Marche de Aïda et Marie de Di Capua. Thank you.